الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons étudié Mujibat al-Ghusl, les règles relatives au grand lavage, ce qui rend obligatoire Al-Rusl, Al-Irtisal, le grand lavage, à savoir se retrouver en état de Janaba, ou encore la fin des menstrues, ajouter à cela la fin des lochis. Également, si la personne décède, les musulmans ont l'obligation, si c'est tant que cela est possible, de laver la personne. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons étudier At-Tayammum, c'est-à-dire la purification sèche. La personne qui est en état d'impureté, que ce soit l'impureté majeure ou l'impureté mineure. L'état d'impureté mineure, c'est ce qui rend obligatoire le grand lavage. Et l'état d'impureté mineure, c'est ce qui rend obligatoire el wudu, les ablutions. Quant à l'état d'impureté majeure, c'est ce qui rend obligatoire el rusl. C'est ce qui rend obligatoire el rusl, le grand lavage. Dans ces deux cas-là, pour ces deux choses, le musulman a la permission d'utiliser, a la permission d'avoir recours à ce qu'on appelle at-tayammum pour ôter son état d'impureté. Et c'est une permission et une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé à nous, la communauté du dernier prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Falhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Ainsi, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a légiféré cette religion de facilité. At-tayammum, la purification sèche, fait partie des particularités de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un grand bienfait qu'Allah nous a accordé à nous particulièrement. Et c'est un allègement qu'il nous a accordé, subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Suratu Al-Ma'ida, dans le verset de la purification ou des ablutions, « Ya ayyuhalladhina amanu idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ô croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Ceci est les ablutions. Et si vous êtes junub, en état de pollution majeure, alors purifiez-vous, c'est-à-dire faites le ghusl, ce que nous avons étudié hier, bifadlillah. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un d'entre vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque jeûne, mais il veut vous purifier. Allah ne veut pas vous imposer quelque jeûne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant, ou afin que vous soyez reconnaissant. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne ce bienfait du tayammum et nous mentionne que c'est une grâce de sa part sur nous et une facilité. Et qu'Allah azza wa jal a enlevé de cette communauté la gêne. Mais ce qui est voulu, c'est nous purifier et parfaire sur nous son bienfait. Le tout doit nous emmener à la reconnaissance. Le tout doit nous pousser à la reconnaissance. Donc lorsqu'on étudie cette législation, il nous faut en voir sa splendeur, sa beauté, pour être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on médite la législation d'Allah dans la purification, cela nous apparaît de manière claire, notamment dans le cours sur Al-Mas al-Khufayn et ici avec At-Tayammum Barakallahu Fikum. Sachez que At-Tayammum est le deuxième type de purification. Le premier type de purification, la chose utilisée pour se purifier à la base, c'est l'eau. C'est avec l'eau qu'on se purifie. Lorsqu'on est en état d'impureté mineure, suite à l'accomplissement de besoins ou autres, la personne se purifie en faisant al-wudu. Ainsi, elle peut faire la prière, par exemple. Lorsqu'on est en état d'impureté majeure, parce qu'elle est en état de janaba ou après les menstrues par exemple, ou à cause des menstrues par exemple, ou des lochis, elle fait le grand lavage avec de l'eau. Avec de l'eau. La seconde chose à utiliser pour se purifier, dans des circonstances qu'on expliquera inshallah ta'ala, c'est la chose pure qui provient du sol, comme le sable, comme la terre, comme les pierres. Cette purification est nommée tayammum. Cette purification est nommée at-tayammum. Donc, At-tayammum vient remplacer l'eau. At-tayammum vient remplacer l'utilisation de l'eau dans des circonstances particulières. Donc, toutes les règles que nous avons mentionnées pour l'eau sont des règles à mentionner pour la purification sèche. Tout ce qu'on peut faire en ayant fait ses ablutions avec de l'eau, on peut le faire en ayant pris la purification avec la terre, par exemple. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que c'est la purification du croyant. Donc, at-tayammum enlève l'état d'impureté, fait sortir le croyant de l'état d'impureté, que ce soit le mineur, ce qui rendait obligatoire al-wudu, ou que ce soit le majeur, ce qui rendait obligatoire l'irtisal, le grand lavage. La seule différence, c'est que une fois qu'il trouvera de l'eau, il sera dans l'obligation d'avoir recours à l'eau. Une fois qu'il trouvera de l'eau, il sera dans l'obligation d'utiliser l'eau. Et il n'aura pas à répéter, donc ce point, et il n'aura pas à répéter un tayammum pour chaque adoration. Tout comme la personne qui fait ses ablutions avec de l'eau, elle n'est pas dans l'obligation, si elle a fait ses ablutions pour la prière du Zahr, de les refaire pour l'Asr, si elle n'a pas perdu le wudu. Ou si elle a fait ses ablutions pour faire le tawaf, elle n'a pas l'obligation de les refaire pour faire les deux raka'a après le tawaf, ou pour faire une prière obligatoire par la suite. De la même manière, celui qui a fait tayammum peut prier le zahr, peut prier aussi l'as, sans refaire le tayammum tant qu'il n'a pas perdu ses ablutions. Aussi, s'il lui arrive une chose qui annule le wudu, ben ça annulera son tayammum. Ça annulera son tayammum. Les annulatifs du tayammum sont les annulatifs de l'wudu. Mais dans le cas où il trouve de l'eau, dans le cas où il trouve de l'eau, ça annule son tayammum. Il a l'obligation d'avoir recours par la suite à l'eau. Donc, le tayammum yarfa'u al-hadath. Le tayammum enlève l'état d'impureté tant qu'il ne trouve pas d'eau. Après cette introduction, passons maintenant à cette question. Dans quel cas le musulman peut avoir recours à l'utilisation du tayammum? Dans quel cas le musulman peut avoir recours à l'utilisation du tayammum? Les savants nous disent qu'il peut avoir recours au tayammum lorsque ce dernier n'a pas la capacité d'utiliser l'eau. Il peut avoir recours au tayammum lorsque ce dernier n'a pas la capacité d'utiliser l'eau pour faire el-wudu ou pour faire el-ghusl. Je répète, il peut avoir recours au tayammum où il doit avoir recours au tayammum lorsqu'il n'a pas la capacité d'utiliser l'eau. Et cela englobe plusieurs situations. La première, il n'a pas d'eau. Il est dans un endroit où il ne trouve pas d'eau. Ce dernier, nous lui disons, cherche de l'eau. Essaye de trouver de l'eau. Essaye d'acheter de l'eau. Si il pense ou est sûr de ne pas trouver d'eau avant que l'heure de la prière suivante, ou bien avant que l'heure de la prière sorte, avant que l'heure de la prière sorte, alors voici le cas où il fait tayammum. Il fait et tayammum. Le deuxième cas, il a de l'eau. Le deuxième cas, il a de l'eau, mais il en a peu. Il en a besoin pour boire, par exemple. Il en a besoin. Lui, on lui dit de faire un tayammum. On lui dit également de faire un tayammum. Le troisième cas, il trouve de l'eau à acheter, mais les prix sortent de l'ordinaire. Les prix sortent de l'ordinaire. Ou il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Dans ce cas-là, il a recours au tayammum. Dans ce cas-là, il a recours au tayammum. Ou encore, il trouve de l'eau, mais ça ne lui appartient pas. Il n'a pas le droit de prendre cette eau-là, qui est la propriété d'un autre. Donc, si on ne lui donne pas d'eau, il fera également et tayammum. Donc, tout cela, on dira, pour tout cela, on dira celui qui ne trouve pas d'eau. Il fera et tayammum s'il craint que l'heure ne sorte, l'heure de la prière ne sorte. Le cas suivant qui lui rend licite ou bien qui lui permet d'utiliser, d'avoir recours au tayammum, c'est le cas du malade. C'est le cas du malade. Celui qui est malade et dont l'utilisation de l'eau aggravera sa maladie, il lui est véritablement difficile, ralentirait sa guérison. Pour tous ces cas-là, on lui dit de faire et tayammum. Ou encore celui qui est en bonne santé, mais il est sujet à la maladie comme al-hassasiyya, les allergies. Il est sujet aux allergies. Il est sujet aux démangeaisons, à l'urticaire et autres. Et l'utilisation de l'eau sur sa peau déclenche cette maladie. Dans ce cas-là, il fera tayammum. Dans ce cas, il fera tayammum. Donc, si la maladie accentue, ou si l'utilisation de l'eau accentue sa maladie, l'aggrave, repousse sa guérison, lui est difficile. Pour tous ces cas, nous lui disons de faire tayammum. À l'image de la personne qui a une maladie de la peau, à l'image de la personne qui a une blessure. Donc l'utilisation de l'eau retardera sa guérison, sa cicatrisation. Dans tous ces cas-là, il fera tayammum. Passons maintenant au cas de celui qui peut utiliser l'eau, mais sur une partie des membres obligatoires à laver ou à essuyer, il ne peut pas utiliser l'eau parce qu'il est malade ou a une blessure. Dans ce cas-là, que devra-t-il faire? Comment va-t-il se purifier? Tout ce que nous étudions ici a un rapport avec la purification, car la purification est la clé de la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam. Donc ce sont des questions très importantes pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut connaître la purification de manière très détaillée. Et celui qui n'est pas malade ou qui a de l'eau, il se peut qu'il soit malade dans le futur, il se peut qu'il manque d'eau dans le futur. Il peut qu'une personne de sa famille ait besoin de cette information, donc il nous faut l'étudier, la connaître en amont. Je disais donc, celui qui peut utiliser l'eau, sauf pour une partie de son corps qu'il doit nécessairement laver ou essuyer avec de l'eau. Que devra-t-il faire pour se purifier? Que ce soit les ablutions ou que ce soit el-rusl. On lui dit de laver ce qu'il peut. On lui dit de laver ce qu'il peut. Et de faire et tayammum pour ce qu'il ne peut pas. Je répète, on lui dit de laver ce qu'il peut. Et de faire et tayammum pour ce qu'il ne peut pas. Donc celui qui ne peut pas utiliser l'eau de manière absolue, on a déjà expliqué. Lui, il fait tayammum. D'accord. Quant à celui qui peut utiliser l'eau, mais pas sur tout son corps. Par exemple, il peut utiliser l'eau, mais sur une partie du visage, il ne peut pas utiliser l'eau. Sur son bras droit, il ne peut pas utiliser l'eau. Ce dernier, nous lui disons, fais el wudu et lave tout ce que tu peux laver. À quel moment est-ce qu'il fera tayammum? Il y a deux manières. Soit il fait tout ce qu'il peut et à la fin il fait tayammum. Soit, arrivé à l'endroit problématique, il s'essuie les mains, il fait tayammum, puis il poursuit les ablutions du reste, puis il poursuit les ablutions pour le reste. Prenons l'exemple de celui qui a un problème à l'avant-bras droit. Il va laver ses mains, la bouche, le nez, le visage. Il va faire la main droite. Il va sauter l'avant-bras, il va arriver vers le coude. Puis il va passer à la main gauche, au bras gauche, le coude gauche. Il va essuyer sur la tête et il va essuyer la tête et les oreilles. Il va laver ses pieds jusqu'au malléole. Il va laver ses pieds jusqu'au malléole. Puis il fait et tayammum. Voici une manière de faire. La seconde manière de faire, il lave ses mains, sa bouche, son nez, son visage, sa main droite. Arrivé à cet endroit-là, vu que son problème est après la main droite à l'avant-bras droit, il essuie ses mains, il fait tayammum, puis il poursuit le lavage de ce qu'il peut. Voici deux manières de faire. Ainsi, vous voyez que l'islam a enseigné à chacun et dans chaque situation comment se purifier, comment prendre sa purification et comment se purifier aussi des impuretés et sortir de l'état d'impureté. Une remarque à mentionner, une chose à savoir, c'est que ce qu'on va utiliser pour faire le tayammum vient pour enlever l'état d'impureté, al-hadath, et non pas pour ce qu'on appelle izalatun najasa, non pas pour enlever l'impureté elle-même, à l'image de l'urine. Donc, le tayammum, c'est pour sortir de l'état d'impureté. Quant à celui qui a un seul vêtement et sur son vêtement il y a une impureté et ce dernier ne trouve pas d'eau, il ne peut pas purifier cette impureté, il va pas faire un tayammum en disant ça purifie mon vêtement. Non, s'il ne peut pas le laver, il prie dans cet état là et il est excusé. La remarque est que le tayammum ça remplace el wudu el rousl. Ça ne remplace pas le lavage du corps pour enlever une impureté qui est sur le corps. Ça ne remplace pas le lavage du vêtement pour enlever une impureté qui est sur le vêtement. Ça ne remplace pas le lavage du sol pour enlever une impureté qui est sur le sol. Il fait tayammum pour sortir de l'état d'impureté et il essaye de repousser l'impureté, d'extraire l'impureté. S'il ne peut pas, il est excusé. Le troisième point, passons maintenant à Sifatut Tayammum, à la description du Tayammum. Comment faire un Tayammum? Comment faire un Tayammum? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment faire et tayammum. Et il a dit aux sahaba comment faire et tayammum. Barakallahu fikum. On trouve déjà dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit et tayammum. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit At-Tayammum, nous cite comment faire At-Tayammum. Il nous dit, selon la traduction des sens, il nous dit d'essuyer nos visages et nos mains avec cette chose pure émanant de la terre. Avec cette chose pure émanant de la terre. Donc il faut trois choses. Il faut cette chose pure. Il faut émettre une pression dessus. Il faut essuyer son visage. Il faut essuyer sa main ou ses mains. Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit la manière authentique pour faire at-tayammum, la manière authentique pour faire at-tayammum est de taper la terre avec ses deux mains. de s'essuyer le visage et les deux mains. Et ceci en conformité totale avec la parole d'Allah dans sourate Al-Ma'ida. فَلَمْ تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ نعم. Donc, il tape une seule fois. Pour prendre dans l'ordre, premièrement, يَنْوِي رَفْعَ الْحَدَثِ. Pour prendre dans l'ordre, il met l'intention de sortir de l'état d'impureté. Il met l'intention de sortir de l'état d'impureté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innama l'a'malu bin niyat ».« Innama l'a'malu bin niyat ». Les actions ne valent que par les intentions. Les actions ne valent que par les intentions. Deuxièmement, il peut dire Bismillah comme pour Al-Wudu. Il peut dire Bismillah comme pour Al-Wudu, vu que Tayammum remplace Al-Wudu. Troisièmement, il tape sur une chose pure émanant de la terre, comme le sol dehors, comme le sable, comme la terre, comme les pierres, et ainsi de suite. Le mieux, c'est que ce soit poussiéreux. Et si ça ne l'est pas, c'est quand même valable si ça provient de la terre. Si ça provient de la terre. Combien de fois est-ce qu'il tape le sol? Il tape le sol une fois. Il tape le sol une fois. Certains savants disent, s'il tape deux fois, c'est permis. Une fois pour le visage, une fois pour les mains. S'il tape deux fois, c'est permis, une fois pour le visage, une fois pour les mains. Mais le plus proche de la sunna est de taper une seule fois et de faire les deux. Et de faire les deux. Après avoir tapé, il peut taper ses mains pour enlever la poussière et pour ne pas se mettre du sable dans les yeux, par exemple. Il essuie son visage. Exactement comme il le fait lors des ablutions avec la même délimitation. C'est-à-dire du haut du front à la pousse habituelle des cheveux, au menton et de l'oreille à l'oreille. Il essuie l'entièreté du visage. Puis, avec sa main gauche, il la met sur la main droite, sur le haut de la main droite, il essuie en remontant jusqu'à avoir les doigts mada au poignet. Il remonte ainsi, il essuie le haut de la main droite. Puis avec sa main droite, il la met sur la main gauche, naam, et il essuie jusqu'au poignet. Pourquoi que cette partie-là de la main, c'est-à-dire la partie où il y a l'ongle, pourquoi il essuie que la partie de la main où il y a l'ongle? Parce qu'au moment où il a tapé le sol, il a déjà fait la partie intérieure de la main, il a déjà fait la paume. Il a déjà fait la partie où il y a la paume, la partie intérieure de la main. Donc il lui reste à essuyer le dos de la main. Il lui reste à essuyer le dos de la main. Mais dans le cas où il serait malade et qu'il n'aurait pas lui fait cela, parce qu'on peut faire le tayammum à un malade, comme on expliquera inshallah ta'ala, dans ce cas-là, oui, on lui essuiera la partie intérieure et extérieure de la main. On lui essuiera la partie intérieure et extérieure de la main. Donc, il commence par le visage et ensuite, il fait les mains. Il commence par le visage et ensuite, il fait les mains. Barakallahu fikum. S'il ne tape pas le sol et met juste ses mains sur le sol en émettant une petite pression, c'est valable. Mais la sunna, c'est de taper le sol, un minimum. Le point suivant, qu'est-ce que nous pouvons utiliser pour faire un tayammum? Qu'est-ce que nous pouvons utiliser pour faire un tayammum? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous mentionne tout ce qui sort du sol et qui est pur. Tout ce qui sort du sol et qui est pur. Donc tout ce qui a ses caractéristiques, tout ce qui a ses caractéristiques peut être utilisé pour faire et tayammum. Peut être utilisé pour faire et tayammum. Donc, as-sa'id, at-tayyib, tout ce qui yas'adu min al-ard et qui est tayyib, peut être utilisé pour faire et tayammum. Comme la terre, comme le sable, comme les pierres. Et on ne conditionne pas qu'elles soient poussiéreuses. Tout ce qui sort de la terre, on peut l'utiliser directement. Maintenant, si une personne a transporté cela, donc elle ne fait pas tayammum directement sur la terre, mais elle a mis dans un récipient de la terre, parce qu'elle est à l'hôpital ou pour une autre raison. Est-ce que il peut faire un tayammum avec? Oui, il peut faire un tayammum avec. Il peut faire un tayammum avec. Et si la personne se retrouve dans un endroit où sur le sol il y a des galets par exemple, des pierres non poussiéreuses, Raml, est-ce qu'il peut faire un tayammum avec? Oui, parce que c'est pur et ça vient de la terre. Car c'est pur et c'est de la terre. C'est issu de la terre. Certaines roches montagneuses ne comportent pas de poussière. Est-ce qu'on peut les utiliser pour être tayammum? Oui. On peut les utiliser pour faire être tayammum. Certains savants disent même qu'on peut taper la matière qui a été utilisée pour construire, donc le mur, par exemple, d'une maison, si ce sont tels les murs anciens, d'accord, qui en les tapant font sortir la poussière. D'accord, c'était fait de terre. C'était fait de terre. Donc en tapant, il y a de la poussière. Sur ça, il peut également faire et tayammum. Il peut également faire et tayammum. Mais l'un d'entre vous est chez lui, il voit la table basse ou la table. Est-ce qu'il peut taper sur cette table-là et faire et tayammum? Non. Ça n'est pas une chose de la terre. Naam, et ça n'est pas poussiéreux. Donc ni la table réunit les deux caractéristiques, ni même une des deux. Ni même une des deux. Donc voici les choses que nous pouvons utiliser pour faire un tayammum. Passons maintenant aux malades. Pour finir, passons aux malades qui ne peuvent pas se déplacer. Celui qui est sur son lit d'hôpital, celui qui est chez lui, celui qui est malade, comment va-t-il faire un tayammum? Soit il peut faire un tayammum, alors nous avons déjà expliqué cela. Soit il ne peut pas. À ce moment-là, une personne lui fera un tayammum. Une personne lui fera un tayammum. Comment ça? Il va faire, donc cette tierce personne va taper de ses mains la chose pure, le sable, la terre, et elle va venir passer ses mains sur le visage du malade, puis elle va essuyer la partie intérieure et extérieure de la main du malade, la main droite, puis la main gauche. C'est toujours le mieux de commencer par la main droite. Et voilà qu'il lui aura fait tayammum. Une deuxième façon de faire, il prend les mains du malade il apporte le sable, il prend les mains du malade, il émet une pression sur le sable ou tape le sable, puis prend la main du malade, lui met sur le visage et lui fait s'essuyer la main droite puis la main gauche. Donc il utilise les mains du malade parce que le malade n'a pas la capacité de le faire seul. La troisième manière de faire, c'est qu'il prenne un tissu et qu'il imprègne de sable ou de cette chose pure, puis il vient essuyer le visage et les mains du malade. Voici comment est-ce qu'on fait la purification à celui qui est malade. Dans le cas où il y a une crainte de contagion, où on ne peut pas toucher le malade, on peut porter des gants ou mettre une protection et faire ce que nous avons mentionné ici. Au pire des cas, si la personne n'a pas la capacité ni de faire le wudu ou le rousl, ni de faire le tayammum, est-ce qu'elle délaisse la prière? Non, on ne délaisse jamais la prière. Pour cette raison. On lui dit, prie dans l'état dans lequel tu te trouves. Celui qui est alité et qui n'a aucun recours, ni à l'eau, ni aux choses pures pour faire le tayammum, nous lui disons, prie dans l'état dans lequel tu es à la sortie de l'heure de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Craignez Allah autant que possible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Ce que je vous ordonne, accomplissez-le autant que possible. Savez-vous quelle est la cause du caractère légiféré de la permission de tayammum? La cause est notre noble mère, notre chère mère, la mère des croyants. L'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aishatu as-siddiqatu bintu siddiq Abi Bakrin bin Abi Quhafa radiyallahu anhum. Aisha, la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la très véridique fille du très véridique Abu Bakr, est la cause de la révélation de la permission de tayammum. Alors que durant un voyage, Aisha radiallahu anha perdu un collier que lui avait prêté sa sœur ou sa coépouse, elle était dans un voyage et comme nous le rapporte الإمام البخاري رحمه الله تعالى خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد أو عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. عائشة رضي الله عنها nous rapporte elle-même qu'ils sont sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage, lors d'un de ces voyages. Et arrivé à un endroit, son collier s'est arraché, donc il est tombé, elle l'a perdu. Le prophète sallam n'a pas levé le camp et s'est mis à chercher ce collier. Et les gens se sont mis également à chercher le collier de Aïcha radiallahu anha alors qu'il n'était pas en état de purification et il n'y avait pas d'eau. Ils sont donc partis voir Abu Bakr. Fa'atannasu إلى أبي بكر الصديق فقالوا له ألا ترى ما صنعت عائشة؟ Les gens sont partis voir Abu Bakr et ils lui ont dit « Ne vois-tu pas ce qu'a fait Aïcha ?» Ce qu'a causé Aïcha, ce qu'a fait Aïcha. Elle a retardé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que les gens n'ont pas les ablutions et les gens n'ont pas d'eau. Alors Abu Bakr radiallahu an lui est venu alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait sa tête sur ma cuisse. Et il dormait. Et il dormait. Abu Bakr m'a dit, tu as bloqué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les gens alors qu'ils n'ont pas l'état de purification et ils n'ont pas avec eux d'eau. Il m'a donc blâmé et m'a dit ce qu'Allah a voulu. Yani, masha Allah, an yakoul. Et, وَجَعَلَ يَطْعَنْ بِيَدِي فِي خَاسِرَتِي فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى فَخِذِي. Abu Bakr me pointait du doigt et me touchait du doigt et rien ne m'empêchait de bouger si ce n'est la place du prophète sallam sur ma cuisse. À la fakhida ou à la fakhidaï. Sur mes cuisses, sur ma cuisse. Donc Abu Bakr était en colère contre elle et il la disputait car elle était la cause de cela face à l'importance de la prière et de la purification. Mais elle, radiallahu anha, ne bougeait pas de par la grande place qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam auprès d'elle, de par le noble caractère et l'excellence qu'elle avait dans son comportement et la prise de soin du prophète sallallahu alayhi wassalam. Donc il dormait sur elle radiallahu anha. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wassalam a dormi et s'est réveillé alors qu'il n'y avait toujours pas d'eau. فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمُ. C'est alors qu'Allah révéla le verset sur التيمم, la purification sèche. فَقَالَ أُسَيْدِ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. Usayd radiallahu anhu a dit, ô vous, la famille de Abu Bakr, ce n'est pas la première bénédiction émanant de vous. Yani, vous n'êtes pas la première cause d'un grand bien qui découle. Vous n'êtes pas la première cause par laquelle Allah Azza wa Jal nous facilite un grand bien. Donc, du fait qu'elle ait perdu ce collier, il y a eu cet incident et Allah Azza wa Jal leur a accordé comme issue la révélation du verset de At-Tayammum. Par la suite, lorsqu'on fit se lever le chameau sur lequel j'étais, nous trouvâmes le collier sous lui. Fa subhanallah, nous trouvâmes le collier sous lui. C'est ainsi qu'a été légiféré At-Tayammum. Et ceci a eu lieu en l'an 6 après l'Hégire. Ceci a eu lieu en l'an 6 après l'Hégire. Et c'était lors de Razwatu al-Muraysi' ila Bani al-Mustaliq. Ila Bani al-Mustaliq min Khuza'a. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Wallahu a'lam. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Concernant la purification, il nous reste un point très important à étudier, c'est le chapitre des menstrues de la femme, tout ce qui est en rapport avec cela. Et par la suite, inshallah ta'ala, nous entrerons dans les règles relatives au jeûne du mois de Ramadan et comment se préparer pour l'accueil du mois de Ramadan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala wa huwa akramul akramin wa huwa rabbul alamin an yuballighana ajma'in shahr Ramadan. Ainsi nous avons qu'en Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il est le plus noble et généreux, le Seigneur des mondes, de nous permettre à tous d'atteindre le mois de Ramadan dans les meilleures conditions, nous ainsi que nos proches, qu'il nous aide à le jeûner, à le prier, à se rapprocher de lui durant ce mois et durant l'année. Walhamdulillahi rabbil alameen.